Chapitre 10e. La plupart des passagers étaient déjà descendus à terre lorsqu'ils débarquèrent une bonne heure plus tard. Évidemment, les navettes ne les avaient pas attendus. Jérémie alla à un taxi et il leur fallut faire une demi-heure pour atteindre leur destination, Pompéi. Le temps était lourd et l'horizon incertain. Pas un souffle de vent ne venait rafraîchir l'atmosphère. Ronnie acheta 3 bouteilles d'eau minérale à une petite échoppe juste à l'entrée du site archéologique. Je ne voudrais pas dire, mais c'est de l'or, fit-il en référence au prix. Tous les sites profitent de l'afflux touristique pour se remplir les poches, et puis n'oublie pas qu'ils n'ont rien d'autre. C'est vrai, c'est une petite ville quasiment morte. Après avoir acheté leurs 3 billets, ils changèrent d'époque. À une dizaine de mètres, ils entrèrent dans le premier amphithéâtre au monde. Pas très grand, mais encore en parfait état. Il leur semblait qu'à tout moment, soit un gladiateur, soit un fauve pourrait surgir. Ils y flânèrent, s'assirent sur les gradins qui, en leur temps, avaient accueilli la noblesse de Rome. Continuant leur chemin entre 2 rangées de pins parasols, ils découvrirent une villa pratiquement intacte au bout d'une allée. Celle-ci, cependant, était fermée par une porte en bois ouvragée. Harmonie fit une remarque. J'ai l'impression qu'une jeune esclave portant une jarre sur sa tête pourrait sortir par cette porte. La tête recouverte d'une étole, elle se dirigerait vers cette fontaine pour y puiser de l'eau pour la famille qu'elle sert. Oh bon sang, j'ai vu trop de films. C'est l'impression que nous avons vue également. Ne t'en fais pas, fit Jérémie et Ron en même temps. Continuant leur périple, cheminant parmi des ruelles, ils virent le premier passage piéton au monde. 3 blocs de pierre ronds en sont en plein milieu, évitant aux passants de marcher dans l'eau qui devait ruisseler en ces lieux quand l'orage déversait sa colère. Les trottoirs également étaient les premiers construits. On voyait encore sur les pavés les traces qu'avaient laissées les roues des chars. Si d'un seul coup ils avaient entendu le bruit d'un roulement, ils n'auraient même pas été étonnés. En face trônait dans toute sa splendeur le Vésuve qui, en l'an 79 après Jésus-Christ, réduit la ville en cendres. Majestueux, mais aussi terriblement menaçant, sentinelle de la nature, il bravait les millénaires. Un petit nuage blanc le couronnait, seul, insolent, dans l'immensité du ciel azur. Ron s'exclama soudain au détour d'une rue. « Qui veut une glace ?» Harmonie le regarda étonnée, puis aperçut dans une échoppe reconstituée une gélatérie. « Toi et tes glaces, » fit Jérémie. « Mais elles me paraissent tellement tentantes que j'arrive à te comprendre. « Rhum raisin pour moi, » demanda Harmonie. « Même chose, » fit Jérémie. « Moi, je vais prendre une menthe chocolat. » Se dirigeant à l'ombre, ils découvrirent un banc de pierre au pied du forum. « Bien, en ce lieu, nous devrions parler politique, » fit Ron très sérieux. « Certainement, mon fils, mais les Romains n'avaient pas que ce seul sujet en tête, crois-moi. « Ah non ?» Ils parlaient de la vie, des jeux, des réceptions, qui ils inviteraient. Ils discouraient pour les paris sur les gladiateurs, se donnant rendez-vous dans les thermes, ainsi que dans les lupanars. T'es bien renseigné, ce me semble. J'ai lu un peu, fit Ron en rougissant. D'ailleurs, nous sommes dans la direction, vois l'inscription sur le mur. En latin, cette dernière relatait que les attributs de tel ou tel homme étaient appréciés des femmes comme des hommes, et qu'ils en valaient bien le prix. « Je vois, » fit Jérémie en souriant. « Allons donc nous informer de ce pas. » Dans la ruelle suivante, faisant l'angle, une petite maison ne payant pas de mine, mais sur laquelle un phallus était dessiné, indiquait que cette dernière attendait les clients. Certains de ses clients, justement, avaient inscrit dans la pierre tous les bienfaits qu'ils avaient reçus et louaient le bordel. À l'intérieur, des couchettes de pierre d'une place, un agencement des plus spartiates, pouvait accueillir juste 2 personnes par cellule. Sur les murs, de jolies fresques en couleur relataient le Kama Sutra pour peut-être mettre en forme les plus réfractaires aux affaires de l'amour. Pas vraiment folichon, fit Ron déçu. Un peu rustique. J'espère qu'il y avait des coussins moelleux sur ces banquettes de pierre. Bien évidemment, les Romains aimaient leur confort par-dessus tout. N'oublie pas que ce que tu vois en ce moment a été enseveli sous 6 mètres de cendres, et parfois même 15. Ce qui est incroyable, c'est que c'est toujours debout pratiquement 2000 ans après. Leur visite continua par de somptueuses villas entourées de magnifiques jardins et patios. Ces praticiens avaient même, juste en dehors de la cité, des vignes. Leurs vins et leurs fruits étaient à portée de main. Ils vivaient heureux et dans l'insouciance totale du danger que représentait le volcan. Ils s'extasièrent des fresques multicolores peintes sur pratiquement tous les murs. Inimaginable également de voir que ce couple sur ce mur résidait en cet endroit. En quelque sorte, les premières photos de notre ère. C'est prenant, fit Harmonie, qui depuis un bon moment ne pipait mot, tant elle écoutait les explications de l'un ou l'autre des deux hommes. Elle les savait érudits et ouverts à beaucoup de choses, mais elle était quand même étonnée. De si loin qu'ils résidaient, ils s'étaient renseignés sur leur voyage et passionnés par la même occasion. Ils arrivèrent à un endroit où avaient été déposés sur des clayettes les corps reconstitués en plâtre de certains habitants. Pris par les nuées ardentes, ils avaient succombé immédiatement sans pouvoir se sauver. Leur posture démontrait leur peur et leur souffrance. Hommes, femmes et enfants, de toutes conditions, se retrouvèrent piégés par le géant en colère. Jérémie raconta. Pline l'Ancien avait affrété un bateau. Il voulut secourir les habitants, mais se retrouvant trop près des nuées ardentes, il périt, ainsi que tout son équipage. Comment sais-tu cela s'ils ont tous péri? Demanda Ron. Tout simplement parce que son neveu Pline le Jeune le rapporta. Il réussit à se sauver et à emmener sa mère avec lui. Pas grand échappatoire, alors, fit Harmonie. J'ai aussi lu que certains habitants se seraient abrités dans une grotte sur la plage et que l'on avait retrouvé leur squelette. Exact. Ils ont également péri asphyxiés ou brûlés. Une pure horreur, renchérit Jérémie. Un squelette de femme, avec en son ventre un bébé, a été trouvé dans cette grotte. Quel spectacle affligeant. Au bout de 3 heures de visite, Jérémie se rendit compte qu'Harmonie était fatiguée. Elle commençait à traîner. Il était grand temps de sortir se restaurer. Sur la petite place, une pizzeria, typique en son genre, avec bancs, tables et gobelets en bois, les attendait. Une vraie pizza leur fut servie. Déception de Ronnie qui fit aussitôt la moue. Une pizza, ça. Y a rien dessus. Que la pâte est un peu. Que la pâte et puis encore un peu de sauce tomate. Je pourrais à mon tour t'expliquer pourquoi, fit Harmonie. Je ne demande que ça. À l'époque, les gens d'ici, c'est-à-dire de Naples, avaient très peu d'argent. Oui, disons même qu'ils étaient pauvres. Pas beaucoup de travail non plus. Un boulanger fabriqua la première pizza facile à emporter, nourrissante mais sans fioritures. De plus, on ne le payait qu'une fois le salaire empoché, et elle était économique, un sou. Voilà l'origine de la vraie pizza que tu manges à présent. Eh bien, manger cela tous les jours ne devait pas être bien gai. Je te le confirme, pourtant c'était de la nourriture, et certes mieux que d'avoir le ventre vide pour travailler dur. Ce n'est que bien plus tard qu'ils mirent de la mozzarella et bien d'autres ingrédients dessus. Je sais qu'aux USA, vous êtes habitués à la manger avec une pâte épaisse et bien garnie. Évidemment, ça a dû te sembler bizarre. Mais tu as appris d'où venait l'origine de ce mets et ce pourquoi il est si populaire en Italie. Ils se reposèrent ainsi pendant le repas frugal. Enfin, Jérémie appela de nouveau un taxi. Nous rentrons? Demanda Harmonie. Pas encore. Une autre visite nous attend. Le taxi les emmena en dehors de la cité vers la montagne. De lacets en virage, ils contemplèrent le paysage. Les versants de la montagne étaient plantés de vignes qui donnaient le fameux vin Lacrima Christi, les larmes du Christ. Puis la montée se fit plus intense et enfin, ils stoppèrent au pied même du Vésuve. Jérémie savait qu'Harmonie ne pourrait monter le dénivelé trop important menant au cratère. Cependant, Ron se proposa de faire la petite excursion pour prendre des photos. Pendant ce temps-là, Jérémie emmena Harmonie vers les petites boutiques artisanales. Il lui offrit un collier en perles de lave, ainsi qu'un morceau de pierre stratifiée, devenu comme un morceau de verre noirci. Pour récompense, elle lui planta un baiser sur les lèvres devant tout le monde. Ils burent ensuite une boisson rafraîchissante, en attendant que revienne le jeune garçon. Tout émoustillé, ce dernier arriva une heure plus tard, prit juste le temps de s'asseoir et raconta ce qu'il avait contemplé, photo à l'appui. Le cratère était impressionnant de largeur et de profondeur. Il y eut un certain malaise, pensant que là-dessous se trouvait une caldeira qui n'avait pas explosé depuis 1944. Les volcanologues savaient que ce volcan entrerait encore en éruption, mais quand? Là était la question. Ils furent heureux de rentrer en taxi au bateau. Le ciel s'était couvert de gros nuages noirs et l'orage commençait à gronder dans le lointain. Au moment de monter sur la passerelle, le ciel s'ouvrit en une averse phénoménale. Juste à temps, fit Harmonie joyeuse. C'est de bon augure, répliqua Jérémie. Nous aurons ainsi le temps de nous reposer un peu avant le dîner. J'aurai besoin de te parler, mon amour. À ma table, ce soir, nous regarderons l'orage sur la mer. Ils entendirent des cris sur le port. Jérémie revint sur ses pas pour questionner l'officier qui s'occupait de l'embarquement. Quelqu'un serait-il tombé de la passerelle? Par cet orage, j'avoue qu'elle est assez glissante. Non, apparemment, ils ont repêché un corps. Nous avions un passager manquant depuis hier soir. Sa femme nous avait sollicité. Nous pensions, fit l'homme d'équipage, sotto voce, qu'il était en train de cuver quelque part, mais à ce que je vois, il a très mal fini sa soirée. Bon sang, je plains celui qui va devoir l'annoncer à sa petite famille. Des enfants aussi? Une petite fille de 10 ans, très peureuse. Nous nous demandions même si le père n'était pas un violent. Si c'était le cas, les voilà débarrassés, si je puis dire. Espérons que ce soit le cas, en effet. Excusez-moi, monsieur, mais le commandant requiert ma présence, fit l'homme en regardant son smartphone. Harmonie et Ron attendaient un peu plus loin pour avoir des nouvelles. C'est bien votre homme d'hier soir. Et de plus, ce ne sera pas une grosse perte pour sa famille. Ce n'était vraiment pas quelqu'un de bien. Ils reprirent leur chemin en silence et se séparèrent à leurs suites respectives tout en réitérant leur rendez-vous. Jérémie baisa la main d'Harmonie et la laissa à contre-cœur. Il fallait qu'il envoie le téléchargement promis. Je t'expliquerai vraiment tout au dîner, mon amour. Fais-moi confiance. J'ai confiance. Je ne me suis jamais sentie aussi bien depuis si longtemps, grâce à toi. Je vais me reposer 1 heure et ensuite me faire jolie rien que pour toi. Jolie, mais tu l'es de toute façon. Et plus le temps passe, plus je suis fou de toi. Il l'embrassa passionnément et ce fut Ronnie qui les sépara. Bon, les amoureux, je ne vais pas tenir cette porte jusqu'à demain tout de même. J'ai besoin d'une bonne douche et je ne suis certainement pas le seul. Oh, ce gamin! Fit Jérémie faisant semblant d'être exaspéré.